je me couche, je saigne à ton bras. Ton ombre, ton désir m'entraîne. Je me noie dans les tranches de la nuit. Je te suis et je vois le vide d'ici-bas. La chance d'être avec toi. Quelques heures où je fuis et m'enfonce vers demain. Dans l'antre de la nuit, je rêve et me sens bien. Je dessine ma vie et je prie pour que demain je ne quitte ce bois fourré aux éclats. Oui, Morphée, je te vois au travers de la nuit, enveloppé dans les draps. Je rêve et je m'enfuis. Oui, Morphée, je te vois, j'en crève quand tu me souris. Tu m'enivres de joie, j'effleure le paradis et je dors. Et je dors. Je plonge dans un décor de rêves ombragés. Me laisse s'évader mon corps au gré de tes pensées. Dans les flux du confin, tu me guides et je crains revenir au passé, présent jusqu'à demain.